voir le guidon. Dirbi dirbi tam, wanna voir le guidon. I say, come on la la, kakombe, tu voir le guidon. I say, dirbi dirbi tam, wanna voir le guidon. I say, woyo, woyo, woyo, woyo. I say, woyo, woyo, woyo, woyo. I say, come on la la, kakombe, tu voir le guidon. I say, dirbi dirbi tam, wanna voir le guidon. Yeah.